Alléluia. Alléluia. Let us pray. Si on peut prier. Father, in the name of Jesus, I bless you, Jehovah, the Holy God of Israel, the Holy God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the Holy One of Israel. Father, we assembled in the name of Jesus, and we give you the honor and the glory that you have made it possible for these people to come here. They come from different places in this nation, from different situations. But look, you have assembled them here in the name of Jesus. Father, I surrender them into the able hands of the Holy Spirit, that your will, the will of God, God Almighty, that your will be done in their lives. Even as we are coming to the peak of this service, for the minister to their hearts and families and lives and Christian walk. And even today, Jehovah, have your way in their lives. I welcome you, Holy Spirit, to love them and visit this house in the name of Jesus. Amen. Let us clap unto the Lord. Praise God. Chantons, acclamé pour le Seigneur. Alleluia. What a mighty day. Quel jour puissant. You can sit down in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. What a blessing to be in this church. Quelle bénédiction d'être dans cette église. It is a tremendous blessing to be in the house of the Lord here. C'est une grande bénédiction d'être dans la maison de l'Éternel en ce soir. And I know that some of you have been here since we started on Wednesday. Je sais que d'autres sont ici depuis que nous avons commencé le mercredi. You have heard even the way the Lord has spoken here. Vous avez écouté comment l'Éternel a parlé ici. A very heavy word. Des paroles très puissantes. A serious word. Des paroles sérieuses. The word of this moment here. Les paroles destinées pour ce temps présent. The mind of God regarding the church right now. La pensée de Dieu concernant l'église en ce moment. We have gone quite deep in this conversation with the Lord. Nous avons été en profondeur dans ces conversations avec l'Éternel. I have spoken without reservation. J'ai parlé sans retenue. I spoke everything even as the Lord gave it to me. J'ai parlé toutes choses comme le Seigneur me l'a parlé. That has helped me a lot to wash my hands at the end of all this. Cela me permettra de nettoyer mes mains à la fin de tout ceci. Because remember, in this conversation the Lord is having with the church, rappelez-vous que dans cette conversation que l'Éternel a avec l'Église, there is gravity, il y a la gravité, there is extreme seriousness, il y a un sérieux extrême, because it touches on the very eternity of the church. Cela concerne l'éternité même de l'Église. And so it is very important that the message is relayed even as God has spoken it. Il est très important que le message soit transmis comme Dieu l'a dit. I have blessed the Lord for the translator in French. Je bénis l'Éternel pour l'interprète en français. Because that is extremely critical. Parce que cela est tellement critique. It is essentially the first time. C'est principalement la première fois. Ever since the Lord sent me to the church and to the nations, que l'Éternel m'envoie dans les églises, dans les nations, This marks the first time that the French speaking have received this message. Ceci est la première fois que les francophones reçoivent ce message. And I don't take it lightly. Et je ne le prends pas à la légère. Because I know it is a symbol of great love from our God in heaven. Et c'est parce que c'est un signe d'un grand amour de notre grand Dieu dans les cieux. I want to recap a little bit from where we started. Je voudrais faire une petite récapitulation de là où on avait commencé. Because I realize some of you may not have been there from the beginning. Car je vois que certains parmi vous n'étaient pas ici au commencement. But today I want to try to bring this ship close to the shore. Aujourd'hui, je vais essayer d'amener ce bateau près du port. I want to look at how we began this conversation. Je voudrais regarder comment nous avons commencé ces conversations. I want you to know that the dispensation has changed in the church. Vous devez comprendre que la dispensation a changé dans l'église. You can even see the nature of the conversation the Lord is having with the church. Vous pouvez voir aussi la nature des conversations que Dieu a avec l'église. And right away it tells you that the season may have just changed. Et là, ça vous dit que la saison a peut-être déjà changé. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. I began by speaking with you. J'ai commencé par partager avec vous. Regarding the tremendous visitation of the Lord. Regardant les grandes visitations de l'Éternel. Of the 2nd of April the year 2004. Le 2 avril 2004. When there was a mighty visitation and the glory of the Lord was abound. Et lorsqu'il y avait une grande visitation et la gloire de Dieu avait été présente. And then he presented John the Baptist on my right hand side. Et il a présenté Jean-Baptiste à ma main droite. And John the Baptist began to speak with me about the Lamb of God. Et Jean-Baptiste a commencé à partager avec moi concernant l'agneau de Dieu. That was slain for the sins of the world. Qui avait été immolé pour les péchés du monde. But that now that lamb is about to come for the church. Et que maintenant l'agneau était sur le point d'arriver à l'église. And there was a dialogue going on in that visitation. Et il y avait un dialogue qui se passait dans cette visitation. And I spoke about how eventually the mighty glory of the Lord released the most glorious, most powerful Lamb of God. Et j'ai pensé comment la gloire de Dieu pouvait libérer la gloire de l'agneau d'une manière puissante. And that the Lamb came all the way and there was a forerunning glory that was glorifying everything before he arrives. Et l'agneau s'approchait et il y avait une gloire puissante qui le précédait et qui glorifiait tout ce qui était aux alentours. And I talked about the raiment of John the Baptist having been completely transfigured. Et je vous ai parlé comment la tenue de Jean-Baptiste était totalement transfigurée. To the point that even when you put a dot there, you could see the dot. Au point que si vous mettez un point, vous pourrez voir le point. And I revealed to you the spiritual significance of that visitation to the church. Et je vous ai révélé la signification spirituelle pour l'église. But the Lord is now saying time is over for church as usual. Le Seigneur a dit que le temps est fini pour l'église d'habitude. And that the Lord is saying there is going to be a lot of visitation now. Le Seigneur dit qu'il y aura une dernière visitation maintenant. That visitation is for the purposes of exposing sin. Et que cette visitation a pour objectif de dévoiler le péché. That not even a speck of sin can go unnoticed. Même pas un soupçon de péché ne pourrait passer inaperçu. But that is what will start the church up to repentance. C'est ce qui va motiver l'église pour la repentance. But the church may now prepare the way of the Lord. Afin que l'église prépare la voie de l'Éternel. By repenting. En se repentant. And restoring the authority of God in the house. En restaurant l'autorité de Dieu dans la maison. And then the church can harvest the souls that are perishing in the streets. Afin que l'église puisse moissonner les âmes qui sont en train de périr dans les rues. And I spoke about the prayer and fasting. Et j'ai parlé de la prière et du jeûne. That God is saying that let us enter into the wilderness of repentance. Que Dieu dit entrons dans le désert de la repentance. On the 1st of November the year 2006. Au 1er novembre de l'année 2006. At about 3 a.m. in the morning. Aux environs de 3 heures du matin. And I went very deep, those of you that were here. Et je suis allé en profondeur pour ceux qui étaient là. Just people of the Lord. Bien-aimés de l'Éternel. And I said that the wedding rings are so highly purified. Que les anneaux sont tellement purifiés. And because they are highly purified, ils sont tellement purifiés que There is a message there to you, the church. Il y a un message pour vous, pour l'église. That the Lord is saying, time has come. Que l'Éternel dit, le temps est arrivé. And it is now. Et il est maintenant. When now the church has to purify her worship. Que l'église doit purifier son adoration. That the Lord is speaking purification to the church. Que l'Éternel parle de la purification à l'église. And I read from Revelation chapter 19. J'ai lu dans Apocalypse 19. Verses 6 all the way to verse 9. De verset 6 jusqu'au verset 9. And I say that the meaning of that is that in there is the revelation to the church. Et le sens de cela est que en dedans il y a la révélation pour l'église. Because he said when it comes to the wedding of the Lamb of God. Il dit lorsque le mariage de l'agneau arrivera. There is a complete stop in heaven. Il y a un arrêt complet dans les cieux. Everything comes to a stop. Tout va s'arrêter. And there is mighty jubilation. Il y a un grand jubilé. There is mighty felicitation. Il y a une grande félicité. There is joy unspeakable. Il y a une joie ineffable. Because the wedding of the Lamb has now arrived. Car le mariage de l'agneau est maintenant arrivé. But let me tell you one thing in Israel. Laissez-moi vous dire quelque chose en Israël. The season of wedding is known. La saison des mariages est connue. That is when there is new harvest. C'est là où il y a la nouvelle moisson. And the summer is on. Et le temps de semaille. Everybody is happy. Tout le monde est content. There is in the sky. Tout le monde est en train de pousser des cris de joie. The wedding season is known. La saison des mariages c'est connu. But the day is not known. Mais le jour n'est pas connu. The same thing with the church. C'est la même chose pour l'église. The season you can know. La saison vous pouvez connaître. Right now when you watch your news. Quand vous regardez les nouvelles. Something will tell you. Quelque chose vous dit. That this season seems to have changed. Il semble que la saison a changé. The faithfulness. La fidélité. That is what I want to talk about. C'est ce dont je voulais parler. That is what Jesus did with the church. C'est ce que Jésus a demandé avec l'église. When he poured the wine and gave to the disciples. Lorsqu'il a versé le vin et il a donné à ses disciples. That is a sign of covenant. C'est un signe d'alliance. Jesus had met his bride. Il a rencontré son épouse. He has met his spiritual bride. Il a rencontré son épouse spirituelle. And he was going back to the Father to prepare a place there for the bride. Il est rentré chez le Père pour préparer une place pour l'épouse. But he had to give and say, will you wait for me? Mais il devait donner un signe. Est-ce que tu vas m'attendre? He had to ask her. Il devait lui demander. Will you really wait for me? Est-ce que tu vas réellement m'attendre? And the question God is asking through the wedding rings. Et la question que Dieu pose au travers des anneaux de mariage. Is that church? Église. Have you waited for Christ? Avez-vous attendu Christ? Have you waited for the Lord? Avez-vous attendu le Seigneur? Or you went to other men of immorality, of witchcraft, ou vous avez attendu d'hommes de personnes d'immoralité, de la sorcellerie, of falsehood, ou de fausseté, lies, des mensonges, false prophets, des faux prophètes. Did you really wait for the Messiah? Avez-vous réellement attendu le Messie? That is the symbol of the Holy Communion. C'est le symbole de la Sainte Communion. That you may wait for the chief bridegroom of the church. Afin d'attendre l'époux en chef de l'église. The Jewish girl, la fille juive, when they have drunk that wine, lorsqu'ils ont bu ce vin là, and now the man has gone with the scroll, et l'homme est parti avec le rouleau d'écrit, from day one, à partir du premier jour, that woman is behind the mirror. Elle va se mettre devant le miroir. Every day she's watching, looking at herself by the mirror. Chaque jour, elle va se regarder au miroir. Every day, chaque jour, she's obsessed with it. Elle est obsédée avec cela. She's possessed about it. Elle est possédée par cela. She's consumed by it. Elle est consumée par cela. She's overtaken by it. Elle est emprise par cela. Her life has changed. Sa vie a changé. It is not the same anymore. Ce n'est plus la même. In fact, en fait, they even cover their hair that no other man may see her hair. Ils couvrent leurs cheveux afin qu'aucun autre homme puisse regarder leurs cheveux. To maintain faithfulness. Pour maintenir la fidélité. She's asking the mother. Elle demande à sa mère. Maman. Maman. T- tell me, is there any dot on my wedding gown? Est-ce qu'il y a des taches sur ma robe de mariage? Why do I feel that this thing is not very white? Pourquoi je sens que ce n'est pas très blanc? She's saying such things. Elle dit telles choses. Why do I feel that this is not white enough? Pourquoi je pense que ce n'est pas assez blanc? She's possessed. Elle est possédée. She's obsessed. Elle est obsédée. She's consumed. Elle est consumée. She's overtaken by it. Elle est emprise par la chose. But the church. Mais l'église. Have you been consumed by this wedding? Avez-vous été consumé par le mariage? But will the modernity and the postmodernism stop you from the wedding of the Lamb of God? Est-ce que la modernité, le postmodernisme, va vous arrêter pour le mariage de l'agneau de Dieu? Will the things of the world? Est-ce que les choses du monde stop you from going into the kingdom of God? Vont-ils vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu? I have seen the wedding rings. J'ai vu les anneaux de mariage. That means the wedding preparations have been finalized. Ça veut dire que les préparations du mariage sont finalisées. For 33 years, pendant 33 ans, the father waited. Le père a attendu. He always looked down through the clouds. Il regardait sur la terre au travers des nuées, hoping that one day he would see him coming back. Que un jour il pourrait le voir revenir. Having completed the job, après avoir accompli le travail, his seat was empty in heaven. Son siège était vide dans les cieux. For all that time, pendant tout ce temps, and the father longed to see him home. Et le père désirait le voir à la rentrée. Tremendous things happened to him down there. Les choses terribles lui arrivaient sur la terre. And the father was aware. Et le père en était conscient. They abused him. Ils l'ont abusé. They spat on his face. Ils ont craché sur son visage. They whipped him until he fell with the cross. On l'a frappé jusqu'au il est tombé avec la croix. I was telling you. Je vous disais. In the medical. Dans le monde médical, if you were to describe his situation, si vous devez décrire sa situation, in the medical, en médecine, you are supposed to write a certificate of death. You are supposed to write a certificate of death. On devait établir un certificat de décès. You are supposed to declare him clinically dead. On devait le déclarer cliniquement mort. Why do I say so? Pourquoi je dis cela? You read Isaiah 53. Vous lisez Isaïe 53. You read Psalm 22. Vous lisez Psaume 22. In Psalm 22, he is crying to the Father on the cross. Au Psaume 22, il crie au Père sur la croix. And he says, "My heart has melted inside me." Il dit, mon cœur s'est fondu au dedans de moi. I am surrounded by dogs. Nobody can save me. You are my father. Je suis entouré de chiens et personne ne peut m'aider si ce n'est mon père. Father, you have never let me down. I have always loved you, my father. Père, tu ne peux jamais m'abandonner. J'étais toujours aimé, mon père. Look, father, they have taken my clothes. They are doing lottery with my clothes. Regarde, père, ils ont pris mes vêtements et ils se les partagent à leur tirage au sort. He was giving a report to the Father in heaven. Il donnait un rapport au Père dans les cieux. He was saying, Father, look, they are pierced. My feet. Il dit, père, regarde, ils ont percé mes pieds. My hands are pierced. Mes mains sont percées. The father was aware of everything the Messiah went through. Le père était conscient de tout ce que le Messie a souffert. And the father longed that one day he would come back victorious. Et le père attendait qu'un jour il reviendrait victorieux. The church that enters into the wedding of the Lamb of God. L'église qui rentrera dans le mariage de l'agneau de Dieu. Is a mature church that fulfills James chapter 4 verse 7. L'église mature qui accomplit la parole Jacques 4, 7. Resist the devil. Résistez au diable. And he will flee from you. Et il fuira loin de vous. That is a mature church. C'est ça l'église mature. That is a church covered by the blood of the Lamb of God. C'est l'église couverte par le sang de l'agneau de Dieu. Jesus died once for the church. Jésus est mort une fois pour l'église. And he gave the church the victory at Calvary. Et il a donné à l'église la victoire sur le calvaire. You must walk in that spiritual victory. Tu dois marcher dans cette victoire spirituelle. And then we shared a little bit more precious people. Et nous avons partagé un peu plus, bien-aimés. And then I talked about the visitation of November 26th. Et j'ai parlé de la visitation du 26 novembre 2006. De l'année 2006. When at 5 a.m. in the morning. À 5 heures du matin. Again, the Lord spoke with me about the wedding of the Lamb of God. Une fois de plus, l'Éternel m'a parlé du mariage de l'agneau de Dieu. But this time, he showed me how sleep in the dust of the earth would finally resurrect and be caught up in the rapture of the church. Mais cette fois-ci, il m'a montré comment ceux qui sont morts, les saints qui sont morts, vont être ressuscités et enlevés. And I said there is nothing the Lord speaks about that you don't find in the Bible. Et j'ai dit qu'il n'y a rien que l'Éternel dise qui ne soit trouvé dans la Bible. In fact, if someone comes to you and says the Lord told me, and you don't find it in the Bible. Si quelqu'un vient vous dire le Seigneur m'a dit et que vous ne trouvez pas cela dans la Bible, then you should know God has not spoken. Alors ce n'est pas ainsi parlé l'Éternel. But if you find it in the Bible, mais si vous trouvez dans la Bible, the Lord has spoken. L'Éternel a parlé. But listen to me, precious people, for now. Écoutez-moi bien-aimé à partir de maintenant. And I told you that the same conversation he had with Daniel the prophet of the Lord. Je vous ai dit la même conversation qu'il a eu avec Daniel le prophète de l'Éternel. In Daniel chapter 12. En Daniel 12. And you see, from verse 1, he's talking about the distress of this time. À partir du verset 1, il parle de la détresse de ce temps. But when you follow through to verse 2, lorsque vous allez au verset 2, before he reaches verse 2, avant d'arriver au verset 2, he says, but those whose names will be found written in the book. Mais ceux dont les noms seront trouvés écrits dans le livre, they will be delivered. Ils seront délivrés. That is the book of life. C'est ça le livre de la vie. You want to make sure your name is there and stays there. Tu dois t'assurer que ton nom est là-bas et il reste là-bas. But then he talks about the distress, the birth pains that you see now, the beginning of birth pains. Alors il parle de la détresse, de la douleur de l'enfantement que vous voyez maintenant. But listen to me, precious people. Écoutez-moi bien-aimé. Verse 2 and 3 talks about how they are sleeping, the dust of the earth will be raptured. En verset 2 et 3, il parle comment les ceux qui dorment dans la poussière de la terre seront enlevés. And I said in that November 26th visitation, there is a message to the church. Et je dis dans cette visitation du 26 novembre 2006, il y avait un message pour l'église. Because Daniel says the wise will shine like the brightness of the heavens. Car Daniel a dit les sages vont briller comme la clarté de la, du ciel. And then he says, and those who lead many into the holiness and righteousness of the Lord will shine like the stars forever and ever. Il a dit ceux qui ont conduit beaucoup à la justice et la sainteté de Dieu brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Listen to me, precious people. Écoutez-moi bien-aimé. That tells you right away. Cela vous dit juste là. That the Lord is calling on the church to go back to wisdom, the wisdom of God. Dieu appelle l'église à rentrer à la sagesse de Dieu. And I said the fear of the Lord is the beginning of all wisdom in the church. J'ai dit la crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse dans l'église. So in other words, God is saying, how come I have not seen the fear of the Lord in the church? En d'autres mots, Dieu dit comment j'ai pas vu la crainte de Dieu dans l'église? And I said you just need to look at yourself through this mirror here. And you will know that there is no fear of the Lord in the church. J'ai dit vous devez seulement regarder au travers de ce miroir ici et vous verrez qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église. You will see mini skirts in the church. Vous allez voir des mini jupes dans l'église. You will see men coming to look for women in the church. Vous verrez des hommes venir chercher des femmes. There are many people who are perishing in the world. They are looking for solutions in life. Il y a beaucoup de gens qui périssent dans le monde, ils cherchent des solutions dans la vie. And church has the answer. Et l'église a la réponse. Until the church will present the image of God. Jusqu'à ce que l'église présente l'image de Dieu. They cannot come to church. Ils ne pourront pas venir à l'église. I gave the example to the pastors' conference today. Et j'ai donné l'exemple à la conférence des pasteurs aujourd'hui. I told the pastors. J'ai dit aux pasteurs. That when the other religions, the Hindus and the Muslims and the in the New Age. Quand les autres religions, les musulmans, les hindous, les New Age, when they look at your daughters in church, lorsqu'ils regardent à vos filles dans l'église, they will not accept you to evangelize them. Ils vont pas accepter que vous les évangélisez. Because the idol gods they are worshiping, car les dieux idoles qu'ils adorent, they dress holy for those idols. Ils s'habillent saintement pour ces idoles-là. And yet you worship Jehovah, the God of Israel. Et vous, vous adorez Jehovah, le Dieu d'Israël. You worship the Most High God. Vous adorez le Dieu le plus haut. How much more holy should you be? Comment plus saint devriez-vous être? When they see, they say, no, no, no, I don't want my daughters dressed like that. Lorsqu'ils voient, c'est dit, non, non, je ne veux pas que ma fille soit habillée de cette manière-là. So God is asking the church. Alors Dieu demande l'église. In your salvation. Dans votre salut. Have you really led people into the holiness of God? Avez-vous conduit d'autres dans la sainteté de Dieu? But let me tell you the truth. Et, écoute, laissez-moi vous dire la vérité. The church has led people away from the Lord. L'église a repoussé, a éloigné les gens loin de Dieu. Remember, souvenez-vous, true repentance has to come with the fruit of repentance. La vraie repentance doit produire les fruits de la repentance. Hallelujah. And for the young ladies, I can tell you, don't even worry about those things of marriage. Et pour les jeunes filles, je veux vous dire, ne vous inquiétez pas du mariage. You don't have to dress like a prostitute to get married. Ne vous habillez pas pour, comme des prostituées pour avoir un mariage. In fact, if you dress very royal and respectful to yourself. Si vous habillez de manière royale et respectueuse pour vous-même. Carrying the temple of the living God. Portant le temple du Dieu vivant. The temple of the Holy Spirit. Le temple du Saint-Esprit. You will attract a man of that kind. Tu vas attirer un homme de ce genre. A man that respects and fears himself. Un homme qui respecte et qui se respecte. Lui-même. A man that respects and fears the Lord. Un homme qui respecte et qui craint l'Éternel. I know the world has taught otherwise. Je sais que le monde enseigne autre chose. But it is time to set the daughters of God free from HIV/AIDS. C'est le temps de libérer les filles de Dieu du sida. Because you wear the image of God. Car vous portez l'image de Dieu. You cannot enter into the same river that the world has entered into. Vous ne pouvez pas entrer dans la même rivière que le monde entre. You are the opinion leaders. Vous êtes les leaders d'opinion. And you are the one supposed to chart the way with the light of the world. C'est à vous de conduire le voie avec la lumière de Dieu. Even the pastors who are here. Même les pasteurs qui sont ici. Make sure you preach only the blood of Jesus and the salvation of our Lord Jesus. Assurez-vous de prêcher seulement le Seigneur Jésus et le sang de son salut. Don't tell them lift up your money and before I pray lift up your money, your dollars or whatever the envelopes, whatever it is. Ne leur dites pas de, avant de prier, levez d'abord vos dollars, votre enveloppe ou quoi. God will provide for your ministry. Dieu va pourvoir pour vos ministères. Unless you are doing your own ministry. À moins que vous faites votre propre ministère. If you are doing your own ministry, that is a different story. Si vous faites votre propre ministère, c'est une autre histoire. But if you are doing the ministry of the Lord. Si vous faites le ministère de l'Éternel. The Lord will provide for his ministry. L'Éternel va pourvoir pour son ministère. Hallelujah. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, bien-aimés. We read from Isaiah 26 verse 19 down. Nous avons lu de Isaïe 26 à 19 et plus bas. And we read very critically about how Isaiah saw the wedding of the Lamb of God. Et nous avons lu comment Isaïe a vu le mariage de l'agneau de Dieu. And Isaiah celebrated the morning dew. Et Isaïe a célébré la rosée du matin. That is the latter anointing coming into the church. Ça c'est l'onction de l'arrière saison qui vient pour l'église. And that anointing I told you is to be able to prepare the church, even the wedding gown, and present her as a radiant bride to Christ. Cette rosée est pour préparer l'église et la faire entrer glorieuse devant le Christ. And so I said, it is very important that the pastors will change their sermons and begin to teach about the Holy Spirit. Et j'ai dit, c'est tellement important que les pasteurs changent leurs sermons et commencent à enseigner sur le Saint-Esprit dans les églises. Worship the Holy Spirit. Adorez le Saint-Esprit. Take some time to speak with the Holy Spirit. Prenez le temps de parler avec le Saint-Esprit. Take some time to praise Him. Prenez le temps de le louer. Remember, He is your present help. Rappelez-vous, c'est votre soutien présent. In fact, you cannot enter the wedding of the Lamb until you have received the Holy Spirit. En fait, vous ne pouvez pas entrer dans le mariage de l'agneau sans avoir reçu le Saint-Esprit. That's why in Matthew 25, Jesus talks of the wise virgins with the jar of oil. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 25, les vierges sages avec le vase d'huile. And that is about the clock when we shared on the clock yesterday. C'est ce que nous avons partagé concernant l'horloge hier. The clock of God that He lowered on May 3rd, 2007 from India when I was there. L'horloge de Dieu qui m'a montré le 3 mai 2007 lorsque j'étais en Inde. The clock that is 1 minute to midnight. L'horloge qui montrait 1 minute avant minuit. And I said when it's 1 minute to midnight, that means the new day has now arrived. Et je vais dire que quand c'est 1 minute avant minuit, le nouveau jour est arrivé. If the new day has arrived, then we need to prepare for that day, right? Si le nouveau jour est arrivé, alors on devrait se préparer pour ce jour. I know in the old day there was much darkness and everything in the church. Je sais que dans les jours passés, il y avait beaucoup de ténèbres dans l'église. In the old day we were drinking and eating with the drunkards as the Bible says. Dans les jours passés, nous étions en train de boire et de manger avec les soulards comme la Bible dit. But the Lord is saying, let us repent and now prepare for the new day. Et le Seigneur dit, repentez-vous et préparons-nous pour le nouveau jour. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. It will not matter what you have done over all the years as a Christian. Cela importera peu ce que vous auriez fait pendant toutes ces années en tant que chrétien. Even as a pastor. Même en tant que pasteur. Even if you have had sexual immorality with worship members. Même si tu as eu de l'impudicité avec des membres de la chorale. The worship leaders. Avec les responsables de la chorale. Even if you have preached money and prosperity without holiness. Si tu as prêché la prospérité sans la sainteté. Even if you are a lady. out doing other things that are evil, même si tu es une femme qui faisait des choses qui étaient mauvaises, what will matter is that if at this hour you can repent and turn back to God, c'est que le plus important c'est qu'en ce moment que tu te répandes et rentres à Dieu, you will enter the kingdom of God, tu entreras le royaume de Dieu. That's why you see even the wise virgins fell drowsy and asleep. C'est pour ça, voyez, les vierges sages se sont assoupies et endormies. But what matters is that for them they were able to embrace the Holy Spirit, prepare in repentance and enter. Ce qui était le plus important, ils étaient prêts à voir le Saint-Esprit et se préparer et entrer. I shared about Exodus chapter 12. J'ai partagé avec vous Exode 12. And we saw the revelation how God prepared Israel for the midnight hour. Comment Dieu a préparé Israël pour l'heure de minuit. And that the Lord is saying, let us go back to bread without yeast. Et l'Éternel a dit, rentrons au pain sans levain. Which means, let us go back to holy bread. Ce qui veut dire, allons au saint pain. This is the bread without yeast. Ceci est le pain sans levain. Let us remove the yeast that says how to position yourself in the marketplace, how to be a financial leader as a Christian. How? Let us remove those yeasts from the word. En levant cette levure du monde qui dit comment se mettre en tant que leader dans les marchés des affaires, en tant que chrétien, en levant ces choses de l'église. Some of them say special financial anointing, anointing for some special anointing for financial something there. Une autre, ils ont dit une onction spéciale pour les finances ou onction financière, quelque chose dans ce genre-là. Let us now return to the blood of Jesus. Rentrons au sang de Jésus. The gospel of the blood and the cross. L'évangile du sang et de la croix. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Today I want to share on something new as I finish with this. Aujourd'hui, je voudrais enseigner quelque chose de nouveau en concluant. I want to share on three visitations of the Lord. Je voudrais partager trois visitations de l'Éternel. And so the rest I will share now in the other church. Et le reste, je vais partager dans l'autre église. I want to share on the visitation of November 20th. Je voudrais partager la visitation du 20 novembre 2007. De l'année 2007. And then the visitation of March 26th, 2008. Et la visitation du 26 mars 2008. And then the visitation of April 8th, 2008. Et la visitation du 8 avril 2008. Hallelujah. Amen. How many are feeling that surely at this time your life will turn around? Combien peuvent dire qu'en ce moment-ci leur vie va changer? Thank you so much, my daughter. Thank you. She lifted Merci. Both hands. Elle a levé tous les deux mains. She lifted both hands. Elle a levé toutes les deux mains. These are people who are God hungry. Ce sont les gens qui ont faim et soif de Dieu. And let me tell you, they will enter. Et laissez-moi vous dire, ils vont entrer. Hallelujah. How many feel that their lives are turning around? Combien sentent que leur vie sont en train de changer? Don't keep your hands up. Ne gardez pas vos mains debout. All people. Tout le monde. Some do this. D'autres font comme ceci. No, it's well. C'est bien. But let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. When I will leave this place, quand je vais quitter cet endroit, and the wedding of the Lamb will take place, et le mariage de l'agneau va arriver, some of you will weep and weep and weep and never stop weeping until the tears will dry. Certains vont pleurer, pleurer, pleurer et pleurer jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de larmes. You'll remember this strange African man that walked here. Vous allez vous rappeler cet homme africain étrange qui était entré ici. And started telling us about the wedding, prepare, prepare, and then it happened. Il nous parlait du mariage, préparez-vous, préparez-vous, et cela est arrivé. So I know you are laughing, but it's not even a laughing matter. Je sais que vous êtes en train de rire, mais ce n'est pas une blague. So November 20th. Alors le 20 novembre. A mighty visitation of the Lord God Almighty. Une visitation puissante du Dieu Tout-Puissant. And this is what I'm describing. Follow it very, very carefully. Focus on me. Écoutez-moi, faites attention ici. Listen to these precious people. Écoutez ceci, bien-aimés. In that visitation of the night, dans cette visitation nocturne, I was asleep. J'étais endormi. And then I found myself in the vision of the Lord. Je me suis vu dans une vision de l'Éternel. And I saw the tremendous vision of God Almighty. J'ai vu une terrible vision du Dieu Tout-Puissant. Focus on me, everybody, right now. Que tout le monde fasse attention ici à moi. In that vision, dans cette vision, I found out that I was walking on a road. J'ai vu que je marchais sur un chemin. And I realized immediately, j'ai compris immédiatement, that the Lord was walking right on my right hand side here, que l'Éternel marchait à ma droite, de mon côté droit, because I could hear his voice coming from there, car je pouvais entendre sa voix venant de là. I knew that he was walking here, je savais qu'il marchait là. And he was talking to me about the small rocks on the road. Il me parlait des petites pierres sur la route. And he was telling me, be careful, don't stumble on them, don't hit them, don't fall. Il m'a dit, fais attention, ne tombe pas, évite-les. One thing I realized is that the comfort of walking within the presence of God. Une chose j'ai réalisé, le confort de marcher dans la présence de Dieu. In fact, when they say Enoch walked with God. En fait, quand on dit Enoch a marché avec Dieu. That time when I woke up, I began to understand the deeper meaning of that scripture. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à comprendre la signification profonde de ce passage. That means you are completely overtaken and consumed by God. Ça veut dire que tu es complètement sous l'emprise et contrôlé par Dieu. And I was walking on this road. Et je marchais sur ce chemin. And as I walked on this road, et pendant que j'y marchais, he was guiding me and directing me. Il me guidait et me dirigeait. And we were going. Et on allait. But very soon he made me realize, et très d'un coup il m'a fait comprendre, that we were about to come to an intersection. Qu'on arrivait à une intersection. And one would have to go left, the other road would have to go right. Il y aura un chemin qui ira à gauche et l'autre à droite. And so when I came to the intersection, et lorsque je suis arrivé à l'intersection, he did not take chances. Il n'a pas pris de chance. So he told me right away to take the one that veered right. Il m'a dit tout de suite prends le chemin à droite. And so when I veered right, lorsque j'ai viré à droite, I saw a vision within that vision. J'ai vu une vision dans la vision. I saw what happened on the one that went left. J'ai vu ce qui arrive sur le chemin de gauche. I saw people lying down there, they had been devoured by an animal. J'ai vu des hommes couchés, dévorés par un animal. That is the road that went left. Ça, c'est le chemin qui va vers la gauche. I can see them even now as I speak that they are lying by the road, and even the animal that devoured them, I can see still standing near there. Même maintenant, je peux voir l'animal qui les a dévorés maintenant debout à côté d'eux. But then we took the one that went right. Alors nous avons pris le chemin qui allait à la droite. But there was a problem with this road that went right, which we took. Et il y avait un problème sur le chemin de droite que nous avons pris. Before we took the junction, avant d'arriver à la jonction, it was clear I could see where we were going even as the Lord was speaking. Je pouvais voir clairement où on allait pendant que l'Éternel parlait. But when I took now the narrow one that was veering right, lorsque j'ai pris le chemin étroit qui tournait à droite, it had so many bends and twists and meanders. Il y avait tellement de courbures, de détours et de méandres. To the point that I could not know what lay ahead. Que au point je ne savais pas qu'est-ce qui arriverait après. It forced me to surrender completely to his control. Cela m'a forcé à m'abandonner totalement sous son contrôle. I was worried, but eventually I released it to him. J'étais inquiet, mais je me suis libéré, laissé à lui. He was telling me about the rocks to avoid. Il me disait quelle pierre éviter. But when we reached a place, mais lorsque nous sommes arrivés à un endroit, when that road veered more right and right and right, où la route allait de plus en plus vers la droite, then the voice of the Lord said, la voix de le Seigneur a dit, look, this is the temple of the Lord. Voici le temple du Seigneur. And when I looked at the house of the Lord, lorsque j'ai regardé la maison de l'Éternel, I could now see it from a small distance. Je pouvais le voir à très courte distance. Then I saw a precious golden dome. Alors j'ai vu un dôme précieux en or. Very powerfully precious, very golden, very rich, very special, glittering. Vraiment brillant, très spécial, un dôme brillant et glorieux. In fact, the golden dome gave the house of the Lord her identity. En fait, le dôme d'or donnait à la maison de l'Éternel son identité. Because if you see it from far, you can see the dome first. Car de loin, tu pouvais voir le dôme déjà en avance. But then, when I looked at the dome, I realized the dome was connected to the roof of the house of the Lord. J'ai vu que le dôme était connecté au toit de la maison de l'Éternel. But there were three pieces of metal that linked the powerful golden dome to the roof of the dome. Il y avait trois pièces, or the roof of the church. Il y avait trois pièces qui soutenaient le dôme sur le toit. And immediately the Lord made me know that support that holded the dome on the roof of the church. Et le Seigneur m'a fait comprendre les supports métalliques qui supportaient le dôme sur le toit de l'église. That it used to be very nicely decorated and stout. Ils étaient d'habitude bien décorés et bien solides. But now it had been ruined and desolate, and only three remnant metals remained holding. Mais maintenant ils sont ruinés, ils sont sans valeur, ils sont sans éclat, et il n'y a que trois qui restent, qui tiennent encore. Now you have a very powerful golden dome. Alors tu vois un dôme très puissant. Some remnant skeleton metals. Et des restes de squelettes de métal. And then the roof of the church. Et alors le toit de l'église. But the door to the church was closed. Les portes de l'église étaient fermées. It is a double arched door with two small doors, double arched. C'était deux portes arquées et deux portes battantes. But as I looked there, Pendant que j'y regardais, on the golden dome, sur le dôme de d'or, all of a sudden heaven opened. Tout d'un coup, les cieux sont ouverts. And the glory of God, the size of this city of Toronto. La gloire de Dieu qui avait la taille de cette ville de Toronto. Came and settled on the dome. Est venue et s'est mise sur le dôme. A tremendous glory of God. Une gloire terrible de Dieu. More like the cloud of God. Plus comme les nuées de Dieu. With so much glory. Avec tellement de gloire. And listen to me, somebody. Écoutez-moi. It only settled on the dome. Il s'est seulement mis sur le dôme. And then the voice of the Lord said. Alors la voix de l'Éternel a dit. Let us enter into the house of the Lord. Entrons dans la maison de l'Éternel. And immediately said so. Et il a dit aussitôt. The two doors opened by themselves. Les deux portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. And I entered into the house of the Lord. Et je suis entré dans la maison de l'Éternel. But when I entered into the house of the Lord. Quand je suis entré dans la maison de l'Éternel. I realized. J'ai réalisé. That now the voice of the Lord came from the altar area. Que la voix de l'Éternel venait de l'autel. And I don't know whether I was in the spirit alone. Or with my body in the spirit also. Je sais pas si c'était dans le monde spirituel ou avec mon corps spirituel. Why do I say so? Pourquoi je dis cela? Because then the voice of the Lord said. Alors la voix du Seigneur a dit. Look, this is the house of the Lord. Voici la maison du Seigneur. And the altar was here. L'autel était là. The voice was coming from here. La voix venait de là. I had to turn my head and look at the house of the Lord. Je devais tourner ma tête et regarder la maison du Seigneur. That's why I don't know whether it was I was in the spirit alone or the spirit in the body. Je sais pas si j'étais dans l'esprit seulement ou l'esprit dans le corps. Because I had to turn to see. Parce que je vais me retourner et voir. But when I looked, quand j'ai regardé, I saw an ocean of chairs. J'ai vu un océan de chaises. I cannot see where they ended or where they started, where the end of the earth is. Je ne pouvais pas voir où ils ont commencé, à quel niveau ils étaient, quelle était la fin de la terre. It was such a sea of chairs. C'était une mer de chaises. But the problem is that the chairs were black. Le problème c'est que les chaises étaient noires. I immediately realized they are black. J'ai vu qu'elles étaient noires. And they had armrests like this for putting the arm, two armrests. Ils avaient des accoudoirs des deux côtés pour mettre les coudes. And then immediately, as I was still looking there, pendant que je regardais là, then I realized, j'ai réalisé, that there was nobody sitting in the house of the Lord. Il y avait personne assis dans la maison du Seigneur. It was totally empty. C'était complètement vide. And then after that, après cela, as I continued looking at the chairs, quand je continuais à regarder les chaises, some grass began to grow. L'herbe a commencé à pousser. And the grass started to grow between the chairs, and it was such a tremendous growth such that they covered the chairs. L'herbe avait tellement poussé qu'elles avaient couvert toutes les chaises. I was very stunned and shocked. J'étais étonné et choqué. I was stunned and shocked that now the grass did grow between the chairs and cover the chairs. Étonné, choqué de voir l'herbe pousser et couvrir les chaises. And then the voice of the Lord came from the altar again. Et la voix de l'Éternel est venue de l'autel une fois de plus. And this time he said, et cette fois-ci il a dit, they used to worship here. Ils avaient l'habitude d'adorer ici. But not anymore. Mais non plus. Hallelujah. They used to worship here. Ils avaient l'habitude d'adorer ici. But not anymore. Mais ils ne le font plus. After that, après cela, I was still looking, but there was a relative darkness in this house. Je regardais, mais il y avait comme des ténèbres dans cette maison. And then the voice said, alors la voix dit, go tell these people to repent. Va dire à ces gens de se repentir. And prepare for the coming of the Lord. Et se préparer pour le retour du Seigneur. And then I woke up. Et je me suis réveillé. I was very disturbed. J'étais vraiment perturbé. In fact, I was very broken. En fait, j'étais brisé. And I went into prayer. Je suis allé en prière. To begin to find out what is the meaning of this vision of the Lord. Pour essayer de comprendre quel était le sens de cette vision du Seigneur. You know, when the Lord speaks with you, vous savez, lorsque l'Éternel vous parle, he will speak with you about one thing. Il va vous parler d'une chose. But the calling, the real calling, by the way, mais le vrai appel, is between the knees and the floor. C'est entre les genoux et le parterre. Kneeling down and praying, Lord, what does this mean? S'agenouiller et prier, demandant, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? That is where now the Holy Spirit begins to unveil to you, bit by bit and bit by bit, on what God is saying. C'est là que le Saint-Esprit commence à te révéler pièce par pièce ce que le Seigneur veut dire. But I was very shocked and stunned. J'étais choqué et étonné. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. I quickly began to understand. J'ai rapidement commencé à comprendre. The message is sending me to give to you. Le message qu'il m'avait envoyé vous donner. I began to understand. J'ai commencé à comprendre. That in the book of Matthew. Dans le livre de Matthieu. Turn with me there. Again, I told you only in the Bible. Je vous ai dit seulement dans la Bible. Only in the Bible. Seulement dans la Bible. If you don't find it there, God has not spoken. Si vous ne voyez pas cela dans la Bible, c'est que Dieu n'a pas parlé. Matthew chapter 13, precious people. Matthieu 13, bien-aimés. Matthew chapter 13, those who are writing, you write. Ceux qui sont en train d'écrire, prenez note. Verse 24. Verset 24. He says, Jesus told them another parable. The kingdom of God is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone, remember, a man who sowed good seed in his field. Rappelez-vous un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. But while everyone was asleep, again he says, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Il leur proposait une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Let me repeat it, precious people. Laissez-moi répéter cela, bien-aimés. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Il en proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Does somebody understand me? Est-ce que quelqu'un me comprend? Do you understand the mind of God to the church? Est-ce que vous comprenez la pensée de Dieu pour l'église? I am going to allow you for the first time today to look at the church with the eyes of God. Je vais vous permettre pour la première fois de regarder l'église avec les yeux de Dieu. I was very stunned. J'étais étonné. Listen to me very, very carefully. Don't even write everybody. Just focus on me. Écoutez-moi, n'écrivez même pas. Regardez-moi ici. So we think there is revival. Alors nous pensons qu'il y a un réveil. People are dancing and speaking in tongues. Les gens parlent, ils dansent, ils parlent en langue. People are playing every instrument. They are doing things. They say revival is called high worship. Les gens jouent des instruments, ils dansent, ils disent le réveil, c'est la grande adoration. And little did the church know. Très peu de choses que l'église sait. That is an inflated worship. C'est une adoration enflée. In fact, it is a corrupted worship. En fait, c'est une adoration corrompue. I did not know. Je ne savais pas. That when you people come here, your hearts are not here. Que vous, lorsque vous veniez ici, vos cœurs n'étaient pas ici. That when the Lord looks down and sees the church. C'est lorsque l'Éternel regarde par terre et il voit l'église. He does not see anyone in the house of the Lord. Il ne voit personne dans la maison du Seigneur. I was shocked. J'étais choqué. And I asked him. Je lui ai demandé. Lord, Seigneur, people are going to church almost on a daily basis. Les gens vont à l'église presque chaque jour. And on a weekly basis, millions and millions are going to church. Et sur par semaine, il y a des millions de gens qui vont à l'église. And on Christmas Day, they are flooded. Et dans au temps de Noël, c'est inondé. Lord, how come you don't see them? Comment, Seigneur, tu ne les vois pas? I was shocked. J'étais choqué. How come God cannot see you in the church? Comment Dieu ne vous voit pas dans l'église? Then I understood. Alors j'ai compris. Why he sent me to rebuke you? Pourquoi il m'a envoyé vous réprimander? To rebuke the miniskirts in the church. De réprimander les mini-jupes dans l'église. To rebuke the worshiping of money in the church. De réprimander l'adoration de l'argent dans l'église. rebuke the dancing of Lingala and Ndombolo in the church. Reprimander la danse de Lingala et de Ndombolo dans l'église. To rebuke witchcraft in the church. Pour réprimander les sorcellerie dans l'église. To rebuke the false prophets in the house of God. De réprimander les faux prophètes dans la maison de Dieu. To rebuke all evil and darkness in the house of God. De réprimander tout ce qui est mauvais et les ténèbres dans la maison de Dieu. To rebuke the world that has entered the house of God. Pour réprimander le monde qui est entré dans la maison de Dieu. That, let me give you revelation. Laissez-moi donner une révélation. That golden dome. Le dôme en or. That precious golden dome that is on top of the church. Ce dôme précieux qui est sur l'église. Represents Christ the Messiah. Représente Christ le Messie. The head of the church. La tête de l'église. That's why when the three wise men came. C'est pour ça lorsque les trois sages sont venus. They placed gold before him. Les trois mages ont mis l'or devant lui. Meaning the purity of God, the royalty of God. C'est-à-dire que la pureté, la royauté de Dieu. But. Mais. The connection between the precious dome and the roof. La connexion entre le dôme précieux et le toit. The roof is the pastor. Le toit, ce sont les pasteurs. That is your cover. Ce sont eux qui couvrent. And you trust that your pastor is sitting well with the Lord. Et vous faites confiance que votre pasteur est en bon accord avec l'Éternel. So he can pray for you to the Lord. He is your cover. Afin qu'il prie pour vous parce que c'est lui votre couverture. But the connection is the Holy Spirit. Mais la connexion c'est le Saint-Esprit. Only the Holy Spirit reveals the person of Christ to the church. Seul le Saint-Esprit révèle la personne de Christ à l'église. But how can there be such a remnant connection between the Messiah in the church? Comment la connexion peut-elle demeurer entre le Messie et l'église? That means the church has not embraced the Holy Spirit. Cela veut dire l'église n'a pas embrassé le Saint-Esprit. In fact, the church does not like the Holy Spirit. En fait, l'église n'aime pas le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit will say, I see witchcraft. Le Saint-Esprit I see women in nudity. Mm-hmm. I see this. I see lies. I see false prophets. I see the preaching of man and raise your dollars here. Le Saint-Esprit va dire, j'ai vu la sorcellerie, j'ai vu l'impudicité, j'ai vu les faux prophètes, j'ai vu lever l'argent ici. The Holy Spirit will reveal the sin in the church. Le Saint-Esprit va révéler le péché dans l'église. But the church is enjoying stability right now. Mais l'église se complaît dans la stabilité maintenant. She is stable in Toronto. Elle est stable en Toronto. She is stable in Quebec. Elle est stable au Québec. She is stable in Ontario. Elle est stable en Ontario. She is stable in Canada, Germany, wherever. Elle est stable en Ontario, Canada ou en Allemagne. You come from there, watch your news, eat your bread, go to sleep, go to work. Tu viens de là, va regarder tes nouvelles, mange et va travailler. The church is so comfortable, she cannot embrace a change. L'église est tellement à l'aise qu'elle ne veut pas changer. In fact, the pastors will say, no, I don't want to rebuke them because I might lose them. Les pasteurs disent, je ne veux pas les réprimander car je vais les perdre. For me, I want to lose them. Pour moi, je préfère les perdre. I want to remain with those going into the kingdom of God. Je voudrais rester avec ceux qui vont aller dans le royaume de Dieu. How can God not see anybody worshiping? Comment Dieu ne voit personne adorer? The link between the Messiah and the church is broken. Le lien entre le Messie et l'église est brisé. And yet the latter glory has been released. Et l'onction de la gloire de la dernière saison est libérée. That is the glory that came and settled on the roof. C'est la gloire qui est arrivée et restée sur le toit. He cannot mix the new glory with the old defilement. Il ne peut pas remélanger la nouvelle gloire avec l'ancienne qui est souillée. Hallelujah. I don't have time. John chapter 2, quickly. Somebody. Jean 2, allons rapidement. We don't have time because we don't have time. Nous n'avons pas le temps. I cannot do this. Je ne peux pas faire ceci. I cannot. I want to finish. Je voudrais finir. John chapter 2. Jean chapitre 2. Verse 1. Verset 1. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. Trois jours après, il lui dénonce à Cana en Galilée et la mère de Jésus était là. Actually, the true name is Kephar Cana. Le vrai nom c'est Kephar Cana. In fact, Kephar is village, Cana village. C'est Kephar Cana, c'est-à-dire le village Cana. Kephar Cana. In Arabic, it becomes Kephar Cana. En arabique, but Kephar Cana. Kephar Cana. Kephar Cana. Also Moshav. Moshav is actually another name for a village, but that's now a commercial village, farming and exporting and everything. But I'm talking about the ancient name, the Kephar Cana. Le nom dont je parle, c'est pas Moshav, mais c'est Kephar Cana. Jesus was there. Jésus était là-bas. And his mother was there. Et sa mère était là-bas. And the wedding was there. Et le mariage était là-bas. Verse 2. Verset 2. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, "Ils n'ont plus de vin." Verse 4, he said, "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." Jésus lui répondit, "Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue." Hallelujah. Verse 5. His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Sa mère dit aux serviteurs, "Faites ce qu'il vous dira." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them with water to the brim. Jésus leur dit, "Remplissez d'eau ces vases," et ils les remplirent jusqu'au bord. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." Épuisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. And said, "Everyone brings out choice wines first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." Et il lui dit, "Tout homme sort d'abord le bon vin, puis le moins bon quand on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent." This, the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee, he thus revealed the glory, he revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Listen to me very carefully here. Écoutez-moi attentivement. The glory came and settled on the dome. La gloire est descendue et restée sur le dôme. And inside the church, the grass is growing. Et dans l'église, l'herbe grandit. The chairs are black. Black means sin. Dark color means sin on the chairs. When you paint them, that is sin. Sin is in the seats. Et les chaises sont noires et qui ça veut dire le péché, les ténèbres. And there is darkness in the church. Et il y a les ténèbres dans l'église. But the glory is tremendous, the size of Toronto on the dome here. Mais la gloire est terrible de la taille de Toronto sur le dôme. Why didn't he release it inside? Mais pourquoi il n'a pas envoyé à l'intérieur? The Bible says, la Bible dit, he refused. Il a refusé. He said he will never mix the glory with the former. Il dit, vous n'allez pas mélanger la nouvelle gloire avec l'ancien. Let me put it another way. Laissez-moi le dire autrement. He would never put new wine in an old wineskin. Tu ne vas pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. Otherwise, the old wineskin will burst. Ou les vieilles outres vont se briser. And the wine will be ruined and the skin ruined. Et le vin va se ruiner et on va perdre aussi les outres. The latter anointing is more powerful than the former. La dernière onction est plus puissante que la première. And he is not ready. Et il n'est pas prêt to ruin the latter anointing. De salir la dernière onction. Listen carefully here. Écoutez attentivement. Look, the wine is over. Il dit, le vin est fini. And he said, et il dit, woman, femme, why do you involve me? Qu'y a-t-il entre moi et toi? My time is not yet. Mon heure n'est pas encore venue. In other words, en d'autres mots, he was still seeing some old wine in there. Il voyait encore il y avait du vieux vin là-bas. Nothing was empty there. Ce n'était pas encore vidé. But later, mais plus tard, when the pots were empty, lorsque les vases étaient vides, then he knew they are now ready for the new wine. Alors il savait qu'ils étaient prêts pour le nouveau vin. And he commanded water, symbolic of the Holy Spirit, to be poured in the jar. Il a commandé l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit d'être versée dans les vases. And when they tasted, they gave to the master of ceremony. Et lorsqu'ils ont goûté, ils l'ont donné au maître des cérémonies. He was shocked. Il était choqué. Why has the best wine now appeared at the end? Pourquoi le meilleur vin est-il arrivé à la fin? Wine, the new wine talks of the power of the anointing, the power of the latter anointing. La puissance, le nouveau vin, la puissance de la dernière onction. Alléluia. Listen very carefully. Écoutez attentivement. The first wine, le premier vin, was produced by the fermentation of yeast, était produit avec la fermentation de la levure. The second wine, le deuxième vin, was produced without fermentation of yeast, était fait sans la fermentation de levure. It is mightier than the first wine. C'est plus puissant que le premier vin. It is for a special heavenly purpose. C'est pour une invitation spéciale céleste. As far as Jesus is concerned, autant que Jésus est concerné, everything about wedding in the Bible is about the wedding of the Lamb of God. Tout mariage dans la Bible, c'est le mariage de l'agneau de Dieu. The second wine, le deuxième vin, is more powerful, est beaucoup plus puissant, incorruptible, incorruptible, imperishable, impérissable. The second wine, le deuxième vin, was mightier wine, était plus puissant. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. He refused. Il a refusé. Why do you involve me? Pourquoi qu'est-il entre toi et moi? I see they are not ready. Je vois ils sont pas prêts. Why are you involving me? My time is not yet. Mon temps n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'il y a? For as long as the church, aussi longtemps que l'église, for as long as the church, aussi longtemps que l'église, will still indulge in the world, va continuer à se complaire dans le monde, indulge in the excesses of the world, se complaire dans les excès du monde, then your hearts are not yet available. Alors vos cœurs ne sont pas encore disponibles. He cannot order for water to be poured. Il ne peut pas commander à ce qu'on mette de l'eau. You will burst. Vous allez éclater. You will ruin the wine. Vous allez perdre le vin. You cannot handle the latter anointing. Vous pouvez pas supporter la dernière onction. Even Canada. Même Canada. Take a nation. Prenez la nation. You will need to walk through repentance. Vous devez aller par la repentance. In fact, I have seen the meeting where I've invited him. En fait, j'ai vu les réunions où je l'ai invité. I have seen myself going to the field and then tremendous signs and wonders happened. Je me suis vu moi-même dans les champs, dans les campagnes et des grandes choses terribles sont arrivées. Let me say it openly here. Laissez-moi le dire ouvertement. He asked me to command heaven to open in a broad sunny day and it opened and the Holy Spirit rain came down. Il m'a demandé d'ouvrir les cieux et il les a ouverts et le Saint-Esprit est descendu. And healed many people. Et a guéri plusieurs personnes. But you are not ready for it. Mais vous n'êtes pas prêt pour cela. You might burst. Vous allez éclater. If you are not ready, you might burst. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez éclater. That's why the Lord is going to prepare him. C'est pour ça l'Éternel va le préparer lui. You might burst. Vous allez éclater. Jesus refused. Jésus a refusé. He said, "Woman, why do you involve me? Pourquoi m'impliques-tu dans cette chose?" My time is not yet. Mon temps n'est pas encore là. These people are not ready, in other words. Ces gens ne sont pas encore prêts. But when he poured water into the jar. Mais lorsqu'ils ont versé l'eau dans les vases. The wine that came from there. Le vin qui en est sorti. Did not need the fermentation of yeast. N'avait pas besoin de la fermentation de levure. That was mightier wine. C'était un vin plus puissant. That's why in that visitation of November 20th, c'est pour ça dans cette visitation du 20 novembre, I knelt down and asked the Lord, why was there so much grass in the house of the Lord and darkness and yet your glory came and just settled on the dome? J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce pourquoi ta gloire était présente et beaucoup de ténèbres de l'air dans l'église et ta gloire était dehors? He cannot mix. Il peut pas mélanger. You might burst. Vous pouvez éclater. The old wine skin will just it will just explode. Les vieilles outres vont exploser. He is looking for a vessel in the church. Il cherche un vaisseau dans l'église. The Lord is ready to release the latter anointing. L'Éternel est prêt à libérer la dernière onction. But he sees the church is not ready. She might misuse it. She might destroy it. Il voit l'église n'est pas prête. Ils vont la détruire. Ils vont la mépriser. I'm going to use a very bad example. Je vais utiliser un mauvais exemple. It's common language. People say this. Dans le langage commun, les gens disent. And I can tell you that lottery is evil. Don't even get involved in it. Je vais vous dire, les jeux d'hasard, c'est diabolique. N'allez même pas le faire. But there is a common saying in the world that says that if someone who is poor wins a lottery, on dit dans le monde si quelqu'un qui est pauvre gagne la loterie, they usually go crazy. Ils deviennent généralement fous. They might jump in the bridge or do something, you know. Ils vont sauter le pont ou faire quelque chose. Because he cannot handle it. Parce qu'il va pas le supporter. The church cannot handle the latter anointing. L'église ne peut pas supporter la dernière onction. That's why Jesus answered his mother, "Woman, why do you involve me? My time is not yet here." C'est pour ça que Jésus a dit à sa mère, "Mère, qu'y a-t-il, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore arrivé." Hallelujah. The church needs to prepare for the latter anointing. L'église doit se préparer pour la dernière onction. That is your heart that you see him talking about in Ezekiel 36. C'est ça son cœur dont il parle dans Ézéchiel 36. He says, "And I'll give you a new heart." Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. A heart of flesh. Un cœur de chair. And I'll remove from you the heart of stone. Et je vais enlever le cœur de pierre. And then I'll fill your heart with my spirit. Et je remplirai vos cœurs de mon esprit. Do you people understand what the Lord is saying? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que le Seigneur dit? I was very disturbed at this vision here. J'étais vraiment perturbé par cette vision. Why did the glory remain up there? Pourquoi la gloire est restée dehors? And yet the grass is growing and there is darkness in the church. Et l'herbe croissait et il y avait les ténèbres dans l'église. And then the voice of the Lord said, et la voix de l'Éternel a dit, they used to worship here but not anymore. Ils avaient l'habitude de m'adorer ici mais le font plus. Let me explain to you why the whole of that ocean of sea of chairs was empty. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cet océan de chaises était vide. In other words, millions come to church on a daily basis. En d'autres mots, des millions viennent à l'église chaque jour. But he don't see them. Mais il ne les voit pas.